your gun is loaded, around and round. Always up, you never let me down. The amazing thing, you turn on naturally. Meilleurs vœux à toi, Titi. On fait des Michael Jackson. Salut Isa. Version bien pourrie quoi. Version disappear, set fire to my heart. Jackson, il est mort. Il y a de la batterie. J'entends de la batterie, c'est qui qui passe là? Mais toi, tu reviens sur Michael Jackson, toi. vas-y, pépère, balance des accords, hein, tranquille. Faut qu'il monte la basse, on n'entend pas la basse. Reina. suis le métronome. Bon, moi, bon.